arrivé à la porte, il se trompe 5-6 fois de code, 424P1, il se rappelle plus très bien. Il est sous comme un coin, faut qu'il se souvienne du chemin. Troisième porte à droite, deuxième étage à gauche, ça le nerve, ça le saoule, heureusement toi t'es là. Pour qu'il se défoule, il a l'alcool mauvais, comme toutes les autres journées, l'envie est de frapper. Ça lui donne la puissance qu'il a jamais trop eue, ça lui donne la confiance de sentir au-dessus. Son grand-père le battait au football, il était nul à l'école, le bon le détestait, il n'avait aucun ami depuis déjà tout petit. C'est lui le raté, maintenant c'est toi qui paie. Somme d'histoire, rue des 5h-4, se présente à la porte de la pâte. Tu arrives en courant, tu ouvres en pleurant, il te jette en hurlant. T'avais des fois trop tôt. Il renverse ses boutrolles, les yeux rouges, ça lui grogne. Dans son œil, la violence, dans les tiens, l'innocence. Son cœur bat les murs, se pose sur sa ceinture. Il titube pour la prendre et s'avance en souriant. Au moment de la saisir, elle rectifie des délires. T'as des courtes cachées dans ta chambre, mais tu sais qu'au final, il va toujours te rattraper. Ouais, frapper, ça lui donne la puissance qu'il a jamais trouvée. Ça lui donne la confiance de sentir au-dessus. Son grand-père le battait au football, il était nul à l'école. Les bombes le détestaient, il avait aucun ami depuis déjà tout petit. C'était lui le raté, maintenant c'est toi qui paie. Des gens sont rassemblés dans la rue. Ils regardent vers la porte enflammée et observent les pompiers. Alors qu'ils sortent encore sans vie de la maison brûlée. Alors ils regardent le sol, les pieds de leurs voisins. Ils ont honte, ils ont peur, parce qu'au fond ils savaient ce qu'il s'est passé, mais personne n'a bougé. Officiellement, accident, simple fuite de gaz. Mais moi je le sais, toi qui l'as allumé. T'avais pas mérité, mais tu l'as toujours aimé. C'était lui le raté, c'est toi qui as payé. T'avais pas mérité, mais tu l'as toujours aimé. C'était lui le raté, c'est toi qui as payé. J'espère que là-haut, c'est lui qui est à tes pieds.